La commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le projet de mine à ciel ouvert à Malartic, s'est terminée hier après-midi après 3 jours d'audience. Les commissaires ont entendu une 50aine de mémoires et sur ce nombre, une 30aine exprimait des réserves, des réticences envers ce projet de Cisco Exploration. Notre journaliste Sandra Taman a suivi les audiences du début à la fin, je le disais. Elle est avec nous depuis Val-d'Or. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, vous nous parlez d'abord de ce groupe de citoyens, de ces organismes qui, eux, ont affiché leur couleur et sont clairement contre le projet de l'entreprise Cisco Exploration. Alors, qui sont-ils exactement? Vous parliez, c'est ça tout à l'heure, les groupes écologistes, les groupes environnementaux qui ont clairement affirmé qu'ils sont contre le projet dans sa forme actuelle. Certains expliquent que l'étude d'impact environnemental n'est pas complète. Il y a eu beaucoup de questions sans réponse selon les groupes écologistes et concernant surtout la restauration du parc à résidus miniers, c'est revenu souvent durant ces 3 jours d'audience. La restauration, lorsque la mine aura terminé, si le projet a bien lieu, lorsque la mine aura terminé son projet, qu'est-ce qui va devenir de la fosse, par exemple? Et dans ces groupes-là, bon, je vous les nomme rapidement, la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Nature Québec, l'Action boréale, le groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda. Il y a aussi le regroupement d'éducation populaire, Québec solidaire, la CSN, le Conseil régional sur l'environnement aussi. Et je vous laisse entendre un extrait de la lecture du mémoire de l'Action boréale parce qu'il représente vraiment bien ce que tous les groupes qui s'opposent au projet, ça représente leurs propos. Et c'est quelques-unes des recommandations parce que l'Action boréale a une dizaine de recommandations, mais là, bon, je peux pas toutes vous les faire entendre, mais c'est quelques-unes de ces recommandations. Et la lecture est faite par Doris Saint-Pierre et Michel Dubé. L'Action boréale est d'avis que le gouvernement du Québec doit imposer un moratoire sur tout projet de fosse à ciel ouvert d'envergure avant d'accorder de nouveaux permis pour ce type de développement qualifié de tiers-mondiste par plusieurs. L'Action boréale demande au BAP que dans son étude de dossier, il garde constamment à l'esprit cette dangereuse valeur de précédent que constitue le projet minier Cisco pour la tranquillité et la sécurité des populations qui habitent le long de la route 117 et pour les sites à haute valeur de conservation. La BAP demande au BAP de justifier et d'expliquer de façon claire et compréhensible dans le rapport qu'il produira pourquoi une activité de préparation du site avant exploitation, à savoir le déménagement d'un quartier complet, ne fait pas partie intégrante du projet minier. L'Action boréale recommande que le promoteur produise un plan complet et final de restauration, y compris l'utilisation future du site, ainsi qu'un plan final et complet des installations de traitement des effluents liquides et des impacts de leur rejet dans le milieu récepteur, et que ce plan soit soumis au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour approbation avant le début de la phase d'exploitation. Alors, on entendait des représentants de l'Action boréale. Sandra, il y a eu, et moi j'en ai entendu parce que j'ai assisté à une partie des audiences, et il y a eu des appuis. Et ils ont été tout aussi forts et tout aussi marqués de l'autre côté, finalement. Oui, oui, exactement. Il y a eu beaucoup d'appuis pour le projet de l'entreprise Cisco. On peut dire que le projet fait l'unanimité chez les gens d'affaires, les gens de l'industrie. Certains citoyens aussi ont parlé pour, en faveur du projet. Les organismes, bon, je vous les nomme, qui ont déposé un mémoire en ce sens, la Fédération des chambres de commerce du Québec, les chambres de commerce de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, le CLD, la Vallée de l'Or, le Comaxat. Ouais. La FTQ également est en faveur, contrairement à la CSN. Exactement, exactement. La chambre de commerce de Rouyn-Noranda a déposé, c'était Rouyn-Noranda, Val-d'Or, excusez-moi, je suis un peu mêlée, dans, mais la chambre de commerce de Val-d'Or, c'est ça, a déposé son mémoire, a donné l'exemple d'une mine à ciel ouvert, celle de Porcupine en Ontario, une très grosse mine à ciel ouvert, où il y a collaboration entre le milieu, les gens d'affaires, l'entreprise, et on nous dit que ça s'est très bien déroulé. Alors, ce qu'ils ont dit, peut-être est-ce une idée d'aller voir comment ça s'est passé là-bas, à Porcupine, près de Timmins. Et bon, il y a aussi le CLD de la Vallée de l'Or, le Comaxat, tous ces gens-là ont parlé en faveur du projet. Surtout, ils parlent de l'importance pour la création d'emplois. On parle de 400 emplois directs, des retombées économiques importantes pour l'Abitibi-Témiscamingue. Voici le directeur général du CLD de la Vallée de l'Or, Pierre Dufour. Ce que ça donne, l'arrivée d'un Cisco dans le décor pour une ville comme Malartic, et ça, peu de villes mono-industrialisées ont la chance d'avoir un projet de 15 années, entre 10 et 15 ans, pour se redéfinir une enveloppe économique, pour être capable de voir à son développement une fois que la minière sera terminée. Et c'est juste, je pense, le seul danger là-dedans, c'est ne pas dormir sur ce projet-là. Il faut justement que tous les acteurs économiques, autant environnementalistes, économiques, municipales, s'assoient ensemble pour essayer, pendant ces 15 ans-là, à trouver des solutions pour le futur de Malartic une fois que la mine sera terminée. Nous, ce qu'on, au niveau du CLD, ce qu'on mentionne, c'est que on ne dit pas que l'industrie minière doit avoir carte blanche pour faire ce qu'elle veut, mais elle est un élément important du développement Témiscabitibien, depuis toujours, depuis la fondation de l'Abitibi. Et si, à un moment donné, on n'est pas capable de comprendre que les mines font partie de notre paysage, on a un problème. Alors voilà, on entendait Pierre Dufour, directeur général du CLD de la Vallée de l'Or. Il y a des mémoires qui étaient particulièrement attendues, Sandra. Quelques-uns, là, que l'on surveillait de façon toute particulière. Un mémoire attendu était, parmi ceux-ci, donc celui de la ville de Malartic. Exactement, la ville qui a déposé son mémoire hier après-midi. Bon, la ville avait déjà affiché ses couleurs, on le savait, elle est en faveur du projet. Mais durant toute la durée des audiences, les citoyens ont critiqué la façon dont la ville a géré le dossier depuis le début. Certains ont eu des propos très durs envers la ville de Malartic et surtout dans le dossier de la relocalisation ou du quartier sud, ils se sont sentis seuls, délaissés et ça a mené les commissaires naturellement à poser des questions au maire André Vezeau sur cette façon de gérer le dossier depuis le début. Je vous laisse entendre un échange entre le commissaire et le maire. Vous n'êtes pas senti interpellé par le besoin que le citoyen avait d'être quand même bien conseillé puis d'être sécurisé par rapport au projet? On a eu la demande souvent de que la ville s'implique plus à ce niveau-là. Mais au niveau légal et tout ça, c'était assez difficile, vu que c'était des négociations de gré à gré, si j'ose dire, de s'infiltrer dans ce genre de négociations. Ce qu'on conseillait aux gens, c'est sûr, d'aller voir des professionnels. Si ils voulaient pas prendre celui de la compagnie, ils pouvaient prendre celui de leur choix. Mais effectivement, on avait pris décision que ce n'était pas à la ville et... ce n'était pas dans nos droits non plus de s'immiscer dans ces négociations-là. Donc, non, il n'y avait pas vraiment au niveau de la ville de choses de prévues pour ça. Et Frédéric, en terminant, bon, il y a une vingtaine de mémoires qui ont été déposées par des citoyens, mm-hmm. certains en faveur, certains contre. Il y a quelqu'un qui a soulevé, lors du dépôt de son mémoire, quelqu'un qui est habitué à des audiences du BAP, il a soulevé l'intelligence des propos de tous ceux qui ont déposé des mémoires. Et c'était le cas, les gens avaient des choses très importantes à dire, ils l'ont fait. Les commissaires, maintenant, ont tout en main pour rédiger leur mémoire. Ils ont jusqu'au 9 juillet pour le remettre à la ministre de l'Environnement et la ministre à 60 jours pour le rendre public. Voilà. Donc, on attend ça fin de l'été, début du mois de septembre. Exactement. Lorsqu'il sera rendu public par la ministre. Sandra Tamman, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi pour nous ça pendant trois plaisir. Jours ces audiences. C'était très intéressant, c'est vrai. Vraiment, là. Et un exercice très intéressant dans la région de voir autant de monde participer. La salle était pleine. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça, c'était une bonne nouvelle de voir que autant de gens se mobilisaient, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. Mais il y avait du monde et ça interpelle les gens. Merci beaucoup, Sandra. Merci.